Vous écoutez Radio Campus, il est midi. Votre attention, s'il vous plaît. Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle qui gêne la retransmission d'angle d'attaque et que rien ne s'oppose à l'ouverture à une autre vision du monde. Angle d'attaque, tous les troisièmes samedis du mois, de 12h à 13h sur Radio Campus. Midi sur Radio Campus et vous vous préparez à écouter Angle d'attaque, une émission proposée par les trois attaques de la métropole, le troisième samedi du mois. Attaque A2TAC, l'association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Et c'est justement d'action citoyenne dont nous allons parler aujourd'hui justement. J'y reviens après présentation des acolytes de l'émission. Le réalisateur de l'émission, Florent, et les animateurs, Louis, dont nous apprécions le retour après quelques absences toutes justifiées, et les plus constants, Ludovic n'est pas là, René Lascience et Christian au micro pour cette présentation. Je le disais, c'est bien une action citoyenne dont nous allons vous entretenir aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'organiser une action ou des actions en vue d'obtenir la gratuité dans les transports publics de la métropole européenne de Lille. Le projet est ambitieux, il y a même du monde sur ce terrain de la gratuité, mais la démarche est singulière puisqu'Attaque Métropole est partie prenante, les trois attaques je veux dire. On voit tout ça avec deux membres, la toute nouvelle Action Transport Gratuit, nouvelle association, ATG. Je vous présente nos invités, Monique Ladessous, d'Attaque Lille, Didier Duninotte, lui est président d'Attaque Roubaix-Tourcoing, Roubaix, là où précisément se porte l'action. Bonjour Monique. Bonjour. Bonjour Didier. Bonjour. Vous l'avez compris, une interview un peu particulière aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'une action menée entre autres par Attaque, et j'insiste sur le « entre autres », puisque à l'initiative du collectif Action Transport Gratuit, c'est une association roubaisienne, La Solidarité, et nous saluons au passage Nawal et Jean-François de cette association. Nous saluons également Delphine Castelli, conseillère municipale communiste à Dunkerque, qui nous a donné les infos qu'il fallait pour préparer cette émission. Qu'elle en soit ici remerciée. Voilà, montrer Attaque dans une action locale, comment nous nous y prenons, nous, à Attaque, le cas échéant, vous convaincre, vous amener à nous soutenir ou même à nous rejoindre dans une action de ce genre, voilà l'objet de l'émission. Et la première question, qui va la poser? Oui. Eh bien, c'est René. Eh bien, pourquoi créer un nouveau collectif pour réclamer la même chose, la gratuité des transports? Eh bien voilà, c'est à vous de parler. Alors, ce qu'il faut d'abord dire, c'est qu'il y a plusieurs mouvements, et tant mieux, des mouvements qui se complètent, et nous ne sommes pas du tout en concurrence avec celui qui s'appelle le collectif d'usagers sur l'île. Mais entre autres mouvements, il faut citer quand même d'abord le Parti communiste, qui depuis des années se bat pour la gratuité des transports, et puis les Amis de la Terre, qui lancent une énième campagne pour la qualité de l'eau, et qui cette fois nous ont annoncé qu'ils incluaient la revendication de gratuité des transports urbains pour cette raison purement écologique. Donc il n'y a pas du tout de concurrence. Nous, on est très contents, au contraire, qu'il y ait différents mouvements. Mais on verra aussi que on se positionne pas en opposition au collectif d'usagers, mais qu'on a quand même une démarche très différente, avec forcément des objectifs différents aussi, et une stratégie différente. Oui, comme le dit Monique, donc des collectifs transport, donc c'est, enfin, il y en a eu et il y en a encore. Et bon, nous, notre type d'action, c'est de justement partir d'une, enfin, on développera ça après, mais c'est de partir justement d'une ville, une ville qui est réputée la plus pauvre de France, pour justement travailler avec les citoyens de cette ville, l'idée de la gratuité du transport. Donc c'est une démarche un peu particulière, qui, non pas qu'elle rompt avec les transports, les collectifs de transport existants et ayant existé, mais on se place d'une façon un peu particulière, avec l'idée de évidemment de ne pas entrer en concurrence, mais l'idée aussi de ne pas générer des rivalités à travers un collectif. Donc on travaille au plus près des citoyens avec la Solidarité, qui est une association de solidarité justement humanitaire sur Roubaix, qui fait un grand travail contre la pauvreté et pour la citoyenneté. Quelle est la démarche d'ensemble, la précision, on y reviendra peut-être après sur Roubaix, le choix de Roubaix. Quelle est la démarche que vous prenez, comment vous y êtes pris pour engager les attaques d'ailleurs locales, les attaques locales sur le terrain? Je pense qu'il faut d'abord remonter à quelques années et au précédent collectif. ATTAC était déjà engagé dans le précédent collectif qui s'appelait la coordination pour les transports gratuits et qui s'était monté à l'initiative des fraudeurs, dans lequel il y avait la plupart des partis de gauche et syndicats. Que nous avons reçus ici, les fraudeurs, voilà. Dans leur temps. Hein. C'était en 2016. Et donc, à ce moment-là, nous avons également adhéré à un réseau national de collectifs pour la gratuité des transports à l'initiative de Grenoble, enfin d'un collectif de Grenoble. Et nous avions à l'époque engagé les trois attaques. On avait réfléchi à cette possibilité d'inclure ce combat dans nos réflexions. Et quand la coordination s'est éteinte en 2016 pour des raisons multiples, enfin quand elle n'a plus existé. Elle a été dissouse par une action policière en l'occurrence. Les fraudeurs. Mais la coordination aurait pu continuer. Bon, elle s'est un peu fondue dans les nuits debout et puis on n'a plus entendu parler d'elle. Mmh. Et à ce moment-là, donc les trois attaques, donc attaque métropole, mais les trois comités locaux d'attaque, ont repli une réflexion. Et une réflexion qui renforçait et qui s'appuie surtout sur l'observation qu'on fait de la démocratie locale. Et il faudrait dire tout de suite, d'ailleurs, du déficit de démocratie locale, et en particulier avec la MEL. Et quand on observe comment les décisions se prennent, et des décisions lourdes de conséquences pour les budgets, il faut rappeler rapidement, parce que c'est quand même pas rien, le cadeau fait à Eiffage en 2008 de 108 millions d'euros, la piscine qui a été décidée par des élus sans aucune concertation, sans aucun débat dans les villes de la métropole, les portiques, on en reparlera aussi. Dans le quartier concerné. Et pas plus dans le quartier concerné. Donc toutes ces décisions nous font dire qu'il y a vraiment un déni de démocratie et que les citoyens devraient se mobiliser beaucoup plus pour interroger les élus, les forcer à revenir dans un dialogue, un débat. Après tout, nous sommes aussi les électeurs. Et à ce titre, nous avons, il nous semble, le droit de demander des comptes et d'interroger les élus. Or, les élus, ils ne se trouvent pas à la mêle, ils se trouvent d'abord dans les villes. C'est là que nous sommes électeurs. Et c'est aussi le choix d'une ville. Alors après, on a choisi Roubaix aussi pour le contexte et la pauvreté et le partenariat qu'on avait à Roubaix. Mais c'est d'abord le choix d'engager le débat sur le terrain politique et pas celui de la gestion. C'est aussi une différence avec le collectif d'usagers qui a pour objectif des objectifs intermédiaires, qui réclament par exemple la gratuité pour certains publics ou la gratuité au pic de pollution. Et nous, on pense qu'il faut d'abord poser le problème comme un problème politique. C'est donc à nos élus qu'il faut le faire. Et ensuite, seulement dans une deuxième étape de négociation, on peut aborder ces sujets qui payent comment financer, etc. D'abord un sujet politique. Et puis, c'est Roubaix, effectivement, comme vous le disiez, donc Roubaix, 45% de la population en dessous du seuil de pauvreté, comme l'a montré le collectif de GTR dans son bouquin Sociologie de Lille. Et c'est ça l'angle d'attaque, en fait, si je peux dire comme ça aujourd'hui. C'est ça l'angle d'attaque, parce que Roubaix, Bon, tu l'as dit, une ville pauvre, une ville où ça vote peu, une ville où il y a quand même des îlots de prospérité. Hein. C'est pas, faut quand même aller vers le parc Barbieu et vers d'autres terres pour voir que ce que il y a quand même des concentrations de richesses dans un océan de pauvreté, on va dire. Mais bon, c'est vrai que comme le disait Monique, bon le il y a pas mal de gens qui nous interrogent en disant pourquoi faire quelque chose dans une commune alors que c'est la Melle, c'est la communauté urbaine qui décide dans ce domaine-là. Bon, justement, nous on estime quand même que c'est la Melle, c'est une instance qui n'est pas tout à fait dans les critères de la démocratie directe, enfin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et par contre, à l'échelon d'une commune, on peut faire remonter des besoins, on peut faire remonter des attentes, on peut vraiment aller vers les habitants. Et c'est justement ce qui nous intéresse dans le projet, dans l'action qu'on mène pour la gratuité des transports. C'est justement ce contact direct avec les habitants d'une ville en difficulté, et c'est pour évidemment créer du lien social, du vivre ensemble. Enfin, il y avait un débat le 13 avril dernier sur la gratuité des transports, et il y a des études nombreuses qui disent que justement le fait que les transports sont gratuits, ça amène justement à un brassage de population, à amener des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller vers les centres-villes à y aller. Ça amène quand même, justement, c'est bon pour le lien social, et c'est pas comme nous le décrivent parfois avec emphase, des espèces de hordes barbares qui viendraient des périphéries vers les centres-villes pour foutre le bordel. Enfin, ça, c'est des idées qui sont complètement... Qui n'ont pas lieu d'être. Donc je crois que c'est bon pour tout le monde, et c'est bon pour la citoyenneté générale. Et c'est pour ça qu'on est en tout cas curieux des remontées des questionnaires qu'on est en train de faire remplir sur les marchés roubaisiens. Alors Didier, elle arbre d'anticiper les questions. Oui, alors ma question c'était comment vous abordez les Roubaisiens, puisque lorsque on voit l'action menée par l'autre collectif sur les transports, c'est généralement une manifestation ou un article de presse, mais là ici c'est au contact des Roubaisiens, si j'ai bien compris. C'est au contact des Roubaisiens, donc on va au contact sur les marchés. Donc en général, on fait les pôles, on fait le marché du Nouveau Roubaix. D'ailleurs, ce week-end, on fait une nouvelle, on va faire une nouvelle tournée des marchés pour recueillir plus de réponses aux questionnaires. Donc on sera à les pôles, donc le dimanche 22 avril, demain à 10h30, et on sera le lundi 23 au Nouveau Roubaix, où c'est des populations un peu différentes, mais où, en général, on a quand même un bon accueil. Et je vais simplement vous lire les petits ce qu'on a pu recueillir de 109, 110 questionnaires qui ont déjà été remplis. Donc, on peut... Bon, il y a 34% des gens interrogés, donc qui roulent en voiture, 57% qui prennent régulièrement les transports en commun. Au niveau des prix, il y a 57% des gens qui trouvent que c'est trop cher, et 27% ont un abonnement. Après, sur la question est-ce que Transpol, pour vous, c'est privé ou public, il y a 35% qui pensent que c'est privé. Et enfin, pour la question peut-être la plus importante sur justement la gratuité des transports, bon, on a plus des trois quarts, 78% qui sont pour une gratuité totale des transports. Voilà un peu ce qu'on peut... les principales leçons d'un questionnaire, mais bon, sachant qu'on est encore en attente de plus de remontées pour avoir quelque chose de plus significatif. Moi, j'ajouterais aussi que l'idée de ce questionnaire, c'est d'abord, bien sûr, de recueillir des informations, ce que font pas les élus. Très peu d'études ont été faites sur les besoins réels des habitants. Et donc, on va faire ce qu'ils font pas. Et deuxièmement, c'est aussi de mobiliser la population. Quand on va vers les gens... On a quand même un objectif de mobilisation, et on s'aperçoit que ça marche bien, puisque sur les premiers les premières expériences de passage de questionnaires sur les marchés de Roubaix, on a recueilli quand même deux volontaires, habitants de Roubaix, qui veulent bien se joindre à nous et venir grossir le petit groupe ATG de Roubaix. Et puis, on a rencontré aussi des militants communistes qui sont également partants pour travailler avec nous sur ce sujet. Voilà, je voudrais aussi souligner, puisque je suis un peu parti dans l'action, même si j'interviewe aujourd'hui, l'excellent accueil des Roubaisiens. Ils sont vraiment... c'était assez étonnant, pas de refus. Quoi. Enfin, soit j'ai pas le temps, ça arrive quelquefois, mais c'est vraiment... Les gens prennent leur temps et n'ont pas du tout de gêne à expliquer leur vie et leurs difficultés. Là, on se rend compte que les 45% de pauvres à Roubaix, c'est pas une vue de l'esprit. Alors... il y a aussi, on peut partir aussi sur l'exemple, puisque j'ai parlé de Delphine Castelli, on peut peut-être aussi se servir d'un exemple quand même très intéressant dans la région, c'est Dunkerque, avec une première expérience de gratuité le week-end, et ensuite, dans la foulée, une expérience de gratuité pendant les pics de pollution, et enfin, au mois de septembre, on imagine le premier, une gratuité totale pour les transports. Alors qu'est-ce que vous avez tiré, qu'est-ce qu'on tire, qu'est-ce que nous tirons de cette expérience dunkerquoise? Alors l'expérience dunkerquoise est très intéressante évidemment pour nous à deux titres. D'abord politiquement, il faut voir comment le maire actuel a gagné la mairie, bien sûr contre le maire précédent de Le Bar et ses projets pharaoniques. Je pense que ça jouait beaucoup. Il y avait une mobilisation citoyenne contre un gros projet Arena qui allait coûter très cher. Qui a permis... fait du bruit dans la presse, en effet, oui. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est donc la campagne électorale de ce candidat, Patrice Vergriet, qui a mis la gratuité dans son programme électoral. Et pour la ville de Dunkerque, pas pour la communauté urbaine. Alors qu'à l'époque, en 2014, la communauté urbaine était déjà autorité organisatrice des transports. Ça veut dire que le transport était déjà à la collectivité, à la communauté urbaine et pas à la ville. Exactement comme ici. Et c'est un argument qu'on nous oppose souvent. Les élus des villes qui nous disent « mais on ne peut pas traiter ce sujet, c'est plus nous, c'est la MEL ». Eh bien, Vergriet a fait la démonstration qu'un candidat à une élection municipale peut mettre dans son projet les transports et la gratuité des transports. Il l'a fait. Dans son projet municipal, il faut insister. Et le projet concernait que la ville de Dunkerque, pas la communauté. Alors, on peut dire aussi que c'était facile pour lui de se dire que s'il gagnait la mairie, il gagnait aussi la CUD, ok. N'empêche que quand il l'a inscrit dans son programme municipal... Personne lui a dit, mais c'est pas possible, on ne peut plus faire ça, puisque c'est la CUD qui s'occupe des transports. Les deux objectifs étaient vraiment des objectifs aussi politiques. Le premier, c'est la redynamisation du centre-ville, qui perdait plus de 1000 habitants par an. Et le deuxième, l'augmentation du pouvoir d'achat des Dunkerquois, qui est une ville pauvre. C'est une ville pauvre également. Alors ça, c'est le premier point qui nous intéresse comme modèle. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers Dunkerque, ça nous intéresse bien. Le deuxième, c'est qu'une fois que la mairie a été gagnée, et c'est à la CUD que ça s'est joué. Et là, c'est tout aussi intéressant de voir que le deuxième maire qui s'est raccroché, c'est Damien Carême, c'est-à-dire le maire écolo de Grande-Synthe. Et là, c'est un événement parce que c'est le seul écolo qui défendent et qui appliquent la gratuité dans sa ville. Le seul écolo. On n'en connaît pas d'autres. Dans tous les collectifs de France, il n'y a pas un seul écologiste. C'est le paradoxe qu'on essaye de comprendre. Alors, on sait que les écologistes ont une vision du monde un peu centrée sur le vélo et qui sont persuadés que les transports en commun vont être en concurrence avec les cyclistes. Mais ça ne suffit pas, il faudrait peut-être qui nous expliquent un peu mieux leur point de vue. Alors, on a entendu effectivement au public Sénat, Frédéric, son nom m'échappe à l'instant, donc écolo, qui disait que c'est une aberration. C'est totalement incohérent d'avoir des transports gratuits. Et son idée, qu'il développait assez peu, parce que c'est quand même difficile à développer, c'est que si les gens ne prennent pas les transports gratuits, c'est qu'ils prennent aussi le vélo ou qu'ils marchent. Et donc, avec les transports gratuits, ils marcheront moins, ils prendront moins de vélo et ce ne sera pas bon pour leur santé. Voilà. Donc, c'est un argument qui, à mon avis, tourne assez court quand on habite des grandes cités, quand on est loin, ou a fortiori dans la métropole. Si vous voulez venir d'Anstein à pied ou en vélo dans le centre-ville de Lille, c'est déjà pas mal compliqué. Et je ne parle pas d'Armentières. Voilà. Donc Dunkerque, oui, bon, Didier. Sans parler de Roubaix, on fait remplir des questionnaires donc au marché du Nouveau Roubaix, on s'aperçoit que c'est quand même tout ce qui est Roubaix Est, Roubaix Sud est quand même un peu, pas déserté par les transports en commun, mais disons ils n'ont pas le métro qui passe, alors que sur Roubaix Ouest, Roubaix Centre, c'est un peu mieux, et c'est là qu'on voit quand même un besoin de transport public et éventuellement de transport public gratuit. Maintenant, pour ce que tu dis, Christian, sur l'approche des écologistes, bon, qui n'est peut-être pas univoque, hein, faut quand même dire que les transports gratuits, c'est quand même justement, ça a une portée évidemment sociale, mais aussi écologique. Les arguments contre la gratuité sont de plus en plus idéologiques, parce que finalement, c'est simplement quelque chose qui échapperait au marché, qui échapperait aux normes, qui échapperait à la consommation. Et c'est justement, ça qu'on défend, je veux dire, un principe de gratuité, justement, qui favoriserait évidemment qui permettrait l'accès à des couches vraiment paupérisées dans la population, mais qui serait aussi... c'est ça, à mon avis, le nœud de l'affaire. Ça serait quand même une grande avancée au niveau écologique. Oui, ça, pas l'ombre d'un doute. Une question de René. Oui, justement, ce manque de volonté politique et de vision, on peut dire, notamment des élus de Lamel. Est-ce que on peut signaler aussi un accrochage des mentalités à des a priori, comme je me rappelle, c'est encore que le fait de faire payer les gens, ça responsabilise. Alors là aussi, c'est un argument qui porte à faux, parce que je crois dans plusieurs villes où on applique la gratuité, au contraire, il y a une baisse des incivilités, etc. C'est démontré dans toutes les villes qui sont passées la gratuité. On constate, à Dunkerque, c'est vrai aussi, qu'il y a une baisse sensible des incivilités, baisse de 59% d'après Dunkerque. Alors les chiffres à Dunkerque sont à prendre avec un peu de mesure, parce qu'il n'y a pas une trop grande durée d'expérience de la gratuité. Mais il n'empêche que... Et puis alors, qu'est-ce qu'on met derrière incivilité? Oui. Il y a en tout cas pas de dégradation et pas d'acte malveillant, beaucoup moins de dégradation. Et en France, il y a quand même maintenant un certain nombre de villes qui testent la gratuité, tout au moins. Plus de 33, il me semble, qui l'ont mise en place. Les plus connus, c'est Aubagne, qui est une ville communiste, et Châteauroux, qui est une ville de droite. Donc dans les... Reims aussi, me semble. Oui, j'ai pas la liste ici en tête, mais il y a des villes de droite et de gauche qui ont fait ce choix. C'est pas une question d'appartenant, enfin de clivage droite-gauche. Non. On l'a bien vu aussi pour avoir une régie publique de l'eau. Hein. Comme Marseille, avec Gaudin, ils ont une régie publique de l'eau. Et nous, c'est compliqué. Mais on va rester sur les transports. Didier soulevait une question fort importante. La gratuité, c'est quelque chose, mais il y a aussi la desserte. Est-ce qu'il ne faut pas réfléchir aussi en même temps à une desserte plus grande fréquence? Je me souviens dans le questionnaire, là, une dame me disait, moi, j'habite M, j'ai 3 bus le dimanche. Ouais. Je crois que la démarche aussi compte aussi sur une fréquence plus importante des bus. C'est donc un coût supplémentaire. Bien sûr. Ça, attention, il est bien évident que la gratuité, c'est aussi, donc ça suppose quand même une fréquentation plus importante, et ça suppose aussi d'agrandir justement la politique d'accès des transports en commun. Bon, il n'est quand même pas normal qu'il y a certains quartiers de Roubaix, par exemple, pour rester sur la ville où on est implanté, qui ont justement des problèmes d'accès aux transports en commun, quoi. Alors que bon, pour les centres-villes ou pour certains autres quartiers, tout est conçu pour justement favoriser cette politique. Donc là aussi, il y a des aménagements à faire. Il y a des questions de cadencement, des questions de fréquence de passage, et il y a pas mal d'usagers, enfin de gens qu'on rencontre dans les marchés ou dans la rue, qui nous disent aussi qu'il y a une question de confort et éventuellement d'amabilité du personnel. Enfin, ça, ça existe aussi. C'est un peu accessoire, mais ça existe. Une question de René. J'ajouterais peut-être aussi affiner le réseau, parce qu'il arrive parfois, même sur des distances pas très grandes, de devoir changer bus, métro, bus, deux, trois fois, ce qui n'est pas toujours, ce qui est parfois pénible pour les usagers. Alors, oui, je pense qu'il faut repenser le réseau, oui. Le transport comme un service public, mais qui ne se limite pas à des bus, des doubles bus, des métros, qui peut aussi comprendre des taxis collectifs. Enfin, il y a des tas de solutions qui peuvent être apportées, qui doivent être discutées au moment de mettre en place la gratuité, bien sûr. Mais en développant à Dunkerque, ils ont l'objectif de doubler d'ici 2020 la fréquentation des bus, mais bien évidemment en développant le réseau, et un réseau de qualité, évidemment. Alors, on va parler un peu de sous. On sait que pour la communauté urbaine de Dunkerque, la billetterie couvre 12% du coût total du transport. À ce propos, dans les chiffres en main, on s'aperçoit que à la MEL, c'est 32% qu'il faut couvrir avec la billetterie. Et donc, c'est pour ces raisons que Damien Castelin, le président de la MEL, lui dit que la gratuité, c'est une aberration financière, que Darmanin, à l'époque où il était vice-président de la MEL et maire de Tourcoing, il disait que c'était infinançable. Qu'est-ce qu'on leur répond ? D'abord, on leur répond que se poser la question comme ça, ça ne risque pas d'apporter des bonnes réponses. Parce que pour aborder le coût de la gratuité des transports, il faut vraiment aborder toutes les incidences que pourrait avoir la suppression des voitures ou la diminution drastique des voitures dans les villes. Incidences sur la santé. Alors comment on mesure le coût de la santé, réduction de coûts de santé liés à la gratuité des transports. D'autre part, comme on vient de le dire, passer à la gratuité, c'est aussi, c'est une volonté politique, mais c'est aussi vouloir développer les transports. Donc le budget d'aujourd'hui est déjà plus bon demain. Et ça, c'est le premier point. D'autre part, oui, bien sûr, la billetterie est dans la communauté de Lille, dans la Melle, plus importante qu'à Dunkerque. À Dunkerque, ils ont aussi fait le choix de ne pas augmenter les impôts locaux. Mais c'est aussi un peu piégeant d'entrer tout de suite dans ce débat qui est de la négociation de comment on finance. Moi, j'ai envie d'en rester à une donnée très générale, mais quand on regarde la richesse de nos régions, la richesse de la CUD par rapport à celle de Lille, il faut aller voir les cartes publiées par l'INSEE et qui montrent les revenus médians des villes de ces secteurs. On voit tout de suite que Dunkerque est une communauté urbaine beaucoup plus pauvre que Lille. Alors, on a dit aussi qu'à Lille, on a des poches de pauvreté importantes. Hein, Roubaix, Lille-Sud, il y en a plein. C'est une communauté urbaine très inégalitaire. Donc, il y a des gens, il y a des secteurs très pauvres, mais il y a aussi des ressources. Le revenu médian, alors, on ne va pas rentrer dans les détails, mais le revenu médian dans la communauté urbaine de Lille Il y a des villes, elles sont nombreuses, qui sont à 30 000 euros par unité de consommation, donc ce n'est pas un ménage, et alors que c'est qu'à 25 000 euros à Dunkerque. On a donc une différence importante de revenus à Dunkerque et à Lille. Il faut savoir prendre l'argent où il est. Ensuite, alors les entreprises. Faire payer les entreprises, c'est aussi un argument qui est quelquefois controversé. On dit que le versement transport, qui est limité par la loi à 2%, on est déjà au taquet dans la communauté urbaine de Lille. Je n'ai pas vérifié les sources, mais il semblerait que dans la région parisienne, en Ile-de-France, ils aient fait sauter ce plafond par une volonté politique locale. Et d'autre part, les entreprises, on sait aussi qu'elles payent non seulement le versement transport, mais elles repayent la moitié des abonnements de leurs salariés. Et si elles doivent payer des parkings pour leurs salariés, c'est un coût supplémentaire. Elles doivent entretenir ces parkings. Oui, alors effectivement, ces questions de coûts, ces sordides questions de coûts, sont quand même piégeantes quand on les pose comme ça. Mais il y a aussi, il faut quand même signaler le fait que la communauté urbaine lutte contre la fraude et installe des portiques dans les stations de métro. Alors, si vous le permettez, si j'ai une seconde, même pas d'ailleurs, c'est trop court, j'ai fait un petit calcul avec les chiffres de la communauté urbaine sur la baisse de la fraude dans le métro. Le petit calcul est le suivant. Si on considère que pendant la période de délégation de services publics, la fraude baisse de 9, 8, 7, 6, 5, 5, qui est l'étiage, hein, 5%, on estime que c'est correct à Keolis. Avec les portiques à 800 000 euros, ça fait un coût de 32 millions d'euros de frais, alors que l'aide portique coûte 70 millions. Donc 32 millions pour lutter contre la fraude et 70 millions pour les portiques. Chercher l'erreur, ça fait un gop de 32 millions. J'ai calculé que le retour sur investissement se ferait au mois de juin 2031. Voilà, donc c'est aussi des gabegies de dépenses. C'est aussi des gabegies de dépenses qui comptent aussi. Mais alors, René, une question. Oui, simplement, cette gabegie de dépenses, c'est aussi, il faut rappeler qu'on est dans l'économie de l'offre, c'est aussi offrir des marchés et des débouchés aux entreprises qui fabriquent ce type de matériel. Je pense qu'il y a ça qui joue aussi. Payé, bien sûr, par le contribuable. C'est un peu comme la télésurveillance et voilà. Alors, aussi buté qu'ils soient, les dirigeants de la MEL, il faut quand même s'apercevoir que l'idée de la gratuité dans les transports commence à se développer. En Allemagne, on en parle, et également à Paris. Peut-être, Monique, une remarque là-dessus. Oui, c'était juste sur le point précédent. Je voulais ajouter aussi que les portiques ont... Personne n'y croit, y compris les salariés, les syndicalistes de la MEL savent très bien que ça n'apportera rien. Mais il faut dire qu'il y a 60 stations de métro qui peuvent être équipées, qui vont être équipées de portiques. Mais il y a plus de 3000 arrêts de bus et 36 stations de tramway. Alors comment on fait? On met des sas d'entrée avec des caméras, des détecteurs de métaux, au cas où un terroriste se faufilerait dans la file des voyageurs. Ben comment on fait? C'est ridicule, ces portiques. C'est simplement 60 millions, voire plus, jetés par les fenêtres. Sur Paris. Un mot juste une seconde, parce que ce que tu disais sur... Bon, effectivement, il y a quand même des études qui sont faites, à Paris notamment, donc l'idée des transports gratuits progresse, et c'est quand même pas... c'est là qu'on voit que c'est pas une espèce d'utopie indépassable et qu'il y a vraiment des gens dits responsables qui s'intéressent à cet aspect des choses. Et ce qui me paraît important aussi dans la discussion, c'est les coûts. Quand à tous ces gens qui nous disent que c'est une aberration économique, faut parler quand même des coûts extérieurs que représente l'absence de gratuité, justement, et notamment sur la santé, même si c'est des coûts qui ne sont pas, peut-être pas facilement mesurables, mais c'est quand même extrêmement, extrêmement important. Et c'est aussi là-dessus qu'on doit axer notre, enfin, notre communication, j'aime pas le mot, mais enfin notre argumentaire. C'est Louis qui va nous parler de Paris. Effectivement, oui, l'idée se propage, bien que pour l'instant il n'y ait pas encore immensément de choses à en dire à Paris, mais effectivement le 19 mars, Anne Hidalgo a annoncé qu'elle avait chargé trois de ses adjoints, l'Europe Écologie Les Verts au transport, le PS aux finances et la parenté PS au développement économique, pour réfléchir. Donc voilà, les termes sont encore, ont une teneur indécise certaine, mais la question est posée. Bon, c'est son intervention, elle n'a pas manqué de la conclure en disant qu'elle ne savait absolument pas si aujourd'hui c'était possible. La perspective, c'est celle de 2020. Alors, 2020, ça résonne immédiatement avec des échéances électorales. Donc, voilà, pour l'instant, on peut souligner que cette annonce a été concomitante avec l'annonce de la gratuité pour les Parisiens, uniquement les Parisiens, je précise que ça ne s'étend pas à l'Île-de-France, pour les personnes, les Parisiens âgés de plus de 65 ans, sous condition de ressources, etc. Mais oui, effectivement, la question trouve à se poser, ou va trouver à se poser à Paris. Il se dit à la mairie de Paris que l'on regarde notamment vers Tallinn, puisque c'est la plus grande ville. Il y a quelque temps maintenant, Jean-Louis Sagot-Duvauroux était venu nous en parler avec Alain Bruny, le maire de Levarde. Était venu nous en parler. Bon, il y a indéniablement des différences entre Tallinn et Paris. On est sur 440 000 habitants à Tallinn. Et donc, à Paris, quelques données, on est sur 12 millions d'habitants en Île-de-France, plus un certain nombre, si ce n'est un nombre certain, de visiteurs, de touristes, etc. Pour un coût total de 9,4 milliards d'euros, qui sont répartis de la façon suivante: le versement transport 40%, 30% pour le financement public, et donc un peu moins de 30%, on est sur 2,4 milliards d'euros pour les achats de titres de transport. Donc c'est là que la question devrait trouver. Mais plus généralement, je pense que ce sur quoi il faut bien insister, le mot a été prononcé, le mot est important, il a été prononcé à plusieurs reprises, c'est le mot de politique. Il y a une dimension au-delà d'un certain nombre d'arguments qu'on pourrait regarder comme pragmatiques, des coûts, la pollution, on avait un rapport du Sénat il y a quelques temps, pollution de l'air, le coût de l'inaction, qui est estimé à 100 milliards d'euros par an. La pollution, c'est 25% le trafic routier en agglomération, 15% de manière générale en France, 25% en agglomération. Mais au-delà d'arguments comme cela, le fait que les villes dépensent beaucoup plus pour l'entretien de la voirie, pour les transports publics, il y a aussi une dimension politique qui est indéniablement à assumer. En fait, de notre part, il y a une dimension clairement idéologique. Le droit à la mobilité, la reconquête de l'espace public, la lutte contre la relégation en périphérie, ce sont des choses auxquelles nous croyons, ne serait-ce qu'en termes de financement, avec d'une part le versement transport, c'est-à-dire la mise à contribution du capital au service du bien commun, et d'autre part le financement public, c'est-à-dire la mutualisation de la dépense par l'impôt. Ce sont des choses qui résonnent à nos oreilles. Il y a une dimension politique qui est absolument à assumer. Oui, alors on est vraiment dans la démarche, de parfaitement démontrer la démarche dans laquelle nous sommes. Hein, c'est vraiment le rôle d'attaque de travailler dans cet ordre-là. Monique. Pour conclure. Ah, pour conclure, oui, si on veut, oui. Oui, il faut dire aussi que la démarche, le choix d'Anne Hidalgo à Paris, c'est aussi, comme en Allemagne, pour se mettre en conformité avec une directive européenne qui remonte à 2008. Absolument. Et qui menace aujourd'hui de poursuivre les États. On est 9 États en Europe, s'ils ne prennent pas des mesures drastiques pour lutter contre la pollution urbaine. Et je pense que Lille pourrait prendre aussi très au sérieux les dangers pour la santé publique. Et pourquoi pas Lille ? Ça se présente mal avec les investissements béton. Didier. Non, juste pour donner les prochaines échéances au niveau de notre collectif. Donc, on a une réunion à la FAL de Roubaix, 20 rue de Lille, donc le mercredi 2 mai à 18h. Donc, on appelle ceux qui seraient intéressés à y participer. Donc, on va évidemment faire remplir des questionnaires sur les marchés ce dimanche et ce lundi. Et donc, les prochaines étapes, ce sera évidemment d'avoir le maximum de questionnaires pour pouvoir faire une espèce d'étude plus significative. Et on imagine aussi un débat public qui devrait avoir lieu vers juin, avec des spécialistes des transports, mais aussi, pourquoi pas, un sociologue ou des gens qui réfléchissent à cette question qui nous paraît primordiale. Alors, la suite à Roubaix, on ne va pas s'en rester là, enfin, on ne va pas rester au questionnaire. Nous avons bien sûr un objectif aussi à moyen terme d'interpeller les élus par l'intermédiaire d'une pétition, qu'elle soit dans le cadre du droit de pétition réglementaire ou pas d'ailleurs, mais interpeller les élus. Et aussi, on est ouvert et on pense déjà constituer un autre groupe ATG, Action Transport Gratuit, dans d'autres zones de la métropole. À commencer par Villeneuve-d'Ascq, Hellem, ça va se faire aussi à Lille, à plusieurs conditions. C'est que les partenaires, il faut des partenaires pour s'engager, on ne partira pas seul, comme on l'a fait à Roubaix avec la solidarité et peut-être avec les communistes de Roubaix maintenant. Donc les partenaires qui voudraient se joindre à nous, tout ce qu'on leur demande, c'est d'être d'accord avec notre engagement qui tient en 5 points, et je vais les rappeler rapidement. C'est d'abord la démocratie. Ensuite, c'est un véritable service public des transports, l'environnement, diminuer le flux des voitures, une politique sociale, donc plus de mobilité, et corriger les inégalités sociales, et enfin, plus de convivialité et contre la morale sécuritaire. Voilà qui méritait d'être dit. On va faire une merci à tous les deux d'avoir expliqué un peu comment les coulisses d'attaque lorsqu'elle se met en action sur un plan local. Une pause musicale, Florent. Du plus discret au plus brillant, du souriant à l'agacé, ils sont l'espace de distinction, le centre de mon attention. Des plus louqués aux mal fringués, des femmes voilées aux décolletés. Les petits roms aux yeux cernés, salopes pour un peu de monnaie. Les fidèles, les occasionnels, les pions, les fans de Chanel me donnent l'occasion éphémère de nourrir mon imaginaire. Matin et soir, on met un geste de la main dans l'espoir d'y voir un coin de vie de nos voisins. On ramasse un petit rien d'intimité perdue dans le train. On a tous, c'est certain, quelques transports en commun. Les petits lascars fanfaronnent en faisant gueuler leur smartphone. Ils s'en tamponnent, les gens sont sourds, personne ne réagit autour. Pendant que le nez dans son portable, un commercial imperturbable se croit au-dessus de la mêlée dans son petit complet bon marché. Aimerait bien changer de place. Quand un mongolien rigolo focalise sur ses gros lolos, et on sourit quand une valise bouscule tout le monde et pique sa crise. Elle aimerait sortir en premier, mais elle n'est pas du bon côté. Matin et soir, on met un geste de la main dans l'espoir d'y voir un coin de vie de nos voisins. On ramasse un petit rien d'intimité perdue dans le train. On l'a tous, c'est certain, quelques transports en commun. Et donc c'était Lénine Renault, transport en commun. Et du coup, on passe au coup de gueule de René. Oui, eh bien oui, puisque le thème de l'émission abordait la gratuité des transports en commun dans notre métropole, une décision récente de l'AMEL m'a interpellé. Ça s'appelle le péage urbain inversé. Ça consiste à rémunérer les automobilistes qui, aux heures de pointe ou en cas de pic de pollution, utiliseront le vélo ou les transports en commun, ou bien utiliseront leur voiture en dehors des heures de pointe. Oui, mais beaucoup de gens que je croise tous les jours, généralement des gens modestes, utilisent eux depuis des années les transports en commun, générant ainsi moins d'encombrement et de pollution. Est-il question de les rémunérer, eux ? Apparemment, non. Par contre, ils payent le prix fort pour leur ticket ou abonnement, même s'il y a maintenant des tarifs sociaux pour les plus modestes, sont en permanence soupçonnés d'être des fraudeurs potentiels et de ce fait soumis à des contrôles ponctuels. Et mis en garde, notamment dans le métro, par des affichettes leur rappelant le tarif de 100 euros des amendes en cas d'irrégularité. N'y aurait-il pas là deux poids, deux mesures ? Et d'autre part, les élus de Mel prétendent que la gratuité des transports est infinançable. Mais il semble qu'ils ont trouvé le moyen de gratifier les automobilistes devenus soudainement vertueux. Ouais, c'est assez étonnant en effet. Florent, tu as aussi quelque chose à dire ? Oui, donc hier, il y a une université de Tolbiac qui a été évacuée. Hein, c'était l'occupation qu'on a pas mal entendu parler. Et donc une évacuation violente, contrairement à ce que disent la police, où ça a été mené finement et qu'il n'y a eu aucun blessé grave. Mais reporter, donc le site web d'Hervé Kempf, hein, un journaliste sur place qui a recueilli trois témoignages concordants. Donc je vous en lis un. Le témoin il est présent depuis 9 jours, il rapporte les détails. On s'échappait par les toits à l'arrière du bâtiment pour descendre dans une petite rue à côté. Les gars de la BAC, hein, brigade anticriminalité, étaient à nos trousses. Un camarade a voulu enjamber le parapet pour le laisser glisser le long du mur. Un baqueux lui a chopé la cheville, ça l'a déséquilibré et le camarade est tombé en haut du toit en plein sur le nez. On a voulu le réanimer, il ne bougeait pas. Du sang sortait par ses oreilles. Donc le témoin et ses camarades ont aussitôt appelé les pompiers. Emmenés par les pompiers dans un état d'inconscience, on ne sait pas dans quel hôpital il se trouve. Pour l'instant, il y a deux hôpitaux, mais on ne sait pas si c'est l'un ou si c'est l'autre. Quoi qu'il en soit, la rue où a eu lieu sa chute demeure barrée par la police. Et en plus, la police aurait effacé les traces de sang. Ce qui est interdit, c'est puni par 3 ans de prison par la loi. Donc pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On ne sait pas dans quel état il est à l'hôpital. Et puis la police dément tout blessé grave. Voilà. Ouais, effectivement, super. La police est à l'œuvre en ce moment et avec des ministres de l'Intérieur comme Coulomb. On craint le pire aujourd'hui. Les citoyens sont vraiment d'abord surveillés et ensuite, quelquefois, c'est le cas, battus. Passons aux activités d'attaque. Merci pour la conclusion, pour la transition. Vas-y, René. Oui. Alors, les activités d'attaque. Au plan national d'abord, alors, d'accord. Oui. Hein. Alors, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes appelle pour une vraie sortie de crise. La tentative d'expulsion des habitants et habitantes de la ZAD engagée par le gouvernement s'est soldée par un échec cuisant et prévisible. Le très beau succès de la mobilisation du week-end des 14 et 15 avril a montré l'ampleur et la persistance du soutien. C'est l'exigence de survie et de développement de tout ce qui se vit sur la ZAD en termes d'expérimentation sociale, agricole, culturelle, qui était posée ici. Bien au-delà des exigences du seul abandon de l'aéroport. Le gouvernement continue néanmoins de mettre le couteau sous la gorge aux habitants non encore expulsés, les enjoignant à accepter, avant le 23 avril, un modèle de régularisation purement individuel qui opérerait un tri inacceptable. Les organisations nationales, associations et collectifs, dont, dont Attaque France, réaffirment leur soutien au territoire de la ZAD et demandent fermement au gouvernement d'agir pour une véritable sortie de crise par le haut. Oui, alors il faut savoir aussi que les zadistes commencent à déposer des projets maintenant aux autorités. On va évidemment se mobiliser pour les cheminots. Oui, alors mobilisons-nous partout pour soutenir les cheminots et cheminotes, bien sûr, défendre le service public et aussi lutter contre l'évasion fiscale. L'actuel conflit entre les cheminots et le gouvernement est décisif. Nous savons que si cette digue saute, le rouleau compresseur libéral va emporter tous les acquis sociaux. Nous devons donc tout faire pour favoriser la convergence entre les différentes luttes pour la défense du service public, ferroviaire, éducatif, hospitalier, etc. Et pour montrer que les privilégiés ne sont pas les travailleuses et travailleurs à statut, mais les ultra-riches et les multinationales qui échappent à l'impôt. Dans un contexte où Emmanuel Macron explique qu'il n'y a pas d'argent magique, Attaque appelle à multiplier les actions symboliques dans le cadre de la campagne. En France, l'évasion fiscale fait 67 millions de victimes. Il s'agit de montrer que les vrais privilégiés, qui sont les vrais privilégiés et où se trouve l'argent manquant pour les services publics. Et déjà, les militants et militantes d'Attaque sont revenus dans les Apple Store samedi 7 avril en organisant deux actions spectaculaires à Paris et Aix-en-Provence. Ils se sont tous allongés dans les Apple Store. C'est sur le site d'Attaque France. Il faudra peut-être que... Le secret des affaires, alors. Alors, c'est une lettre ouverte au président de la République. Alors, Monsieur le Président, refusez qu'avec le secret des affaires, le secret ne devienne la règle et les libertés des exceptions. De nombreuses associations de défense des libertés et de lutte contre la corruption, comme Transparency International, la Ligue des droits de l'homme, Greenpeace, Attaque, bien sûr, et syndicats de la presse ont signé lundi 16 avril cette lettre ouverte au président de la République. Cette initiative concerne la transposition en droit français de la directive européenne de juin 2016 sur le secret des affaires. Avec cette loi, dont le contenu donne une définition trop large des informations qui doivent être protégées de la concurrence et prévoit l'indemnisation de l'entreprise victime des scandales tels que ceux du Mediator, du bisphénol A, des Panama Papers, pourraient ainsi ne plus être portés à la connaissance des citoyens. Et il faut savoir que récemment, donc dans la nuit du 18 au 19 avril, en première lecture, le Sénat a adopté une proposition de loi qui va même au-delà du texte voté le 28 mars par l'Assemblée nationale, ce qui ne présage bien sûr rien de bon. On n'a pas meilleur exemple du lobbying des grands groupes industriels, bancaires et commerciaux auprès des députés de la Commission européenne pour obtenir ce genre de loi sur le secret des affaires. Eh bien, ils se sont rencontrés, Trudeau et Macron. Oui, ensemble pour le CETA, mais ensemble contre le climat. Réunis à Paris un lundi 16 avril, donc Emmanuel Macron et Justin Trudeau tentent de défendre le CETA alors que cet accord entre l'UE et le Canada a été reconnu comme n'étant pas compatible avec la lutte contre les dérèglements climatiques par de nombreux experts. Le collectif Stop TAFTA CETA, dont fait partie Attaque, a organisé une action symbolique mardi 17 avril, place Édouard Herriot à Paris. Alors au plan local, René, où on en est ? Eh bien, on reparle du collectif Stop CETA, mais local. Alors dans le cadre de la campagne lancée par le collectif national, sollicitation des parlementaires pour l'obtention d'une entrevue dans la perspective de ratification nationale du CETA, qui devrait intervenir au cours du deuxième trimestre 2018. J'ai entendu parler maintenant du début 2019, hein, c'est commencé à reculer c'est un bon peu. Signe. Ouais. Un premier rendez-vous avec donc une parlementaire a eu lieu le 13 avril. Martine Filleul, pour ne pas la nommer. Ouais. Le collectif transport. Oui, donc nos invités viennent d'en parler, donc il y a une campagne actuelle menée auprès du public à l'aide d'un questionnaire pour informer et collecter les avis. Aux deux marchés donc de l'Apple demain matin. Demain 10h30 et Nouveau Roubaix à 10h30. Okay. Et une autre annonce pour Roubaix aussi. Oui, on va faire un débat public autour des enjeux de ce qu'on peut appeler la bataille du rail. Hein, ah oui. la SNCF, qui nous paraît quand même un point extrêmement important des luttes sociales, parce que bon, si on canne là-dessus, je crois que ça risque quand même d'être inquiétant. Donc il y aura, c'est le 18 mai, le vendredi 18 mai à 18h30, probablement à la Falle de Roubaix. On connaît pas encore l'endroit précis, mais ça sera confirmé, avec un syndicaliste de Sudrail et un syndicaliste de la CGT. Ok, on arrête là. On passe au calendrier militant de l'ami Florent. Oui. Donc Lanciné organise son festival sous licence libre ou libre diffusion pour la deuxième année consécutive. Pendant 3 jours, au cinéma L'Univers, diffusion des œuvres sur le thème de la critique sociale, dans lesquelles seront mis en avant les points de vue en images sur d'autres manières de penser la société. Cet après-midi, donc à 16h, projection Grand Projet Inutile. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'est pas le seul grand projet d'aménagement à avoir été abandonné suite à la mobilisation populaire. Sur plusieurs communes, des femmes et des hommes luttent pour ne pas faire imposer un mode de vie. Suivi à 18h de discussion sur les licences libres, à 20h15, projection lutte urbaine, les politiques de la ville et l'aménagement du territoire urbain rejettent souvent une partie de la population. Alors comment se réapproprier l'espace de ville tout en s'intégrant à une dynamique de quartier en lien avec les habitants, même les plus démunis? Demain dimanche, donc toujours dans le même cadre du festival, à 16h, projection haute urbain. Si le travail lié à l'emploi a servi, on peut toujours s'en libérer d'une manière ou d'une autre. En invoquant un droit à la paresse et en faisant de son travail une passion ou en s'appropriant de ses outils de travail, les possibilités sont multiples. Suivi à 18h de la projection Combat ordinaire, les combats les plus grands ne se déroulent pas toujours dans la rue. Chaque individu est ainsi pris dans une lutte intérieure faite de questionnements et de réflexions existentielles. Toujours au cinéma L'Univers, le lundi 23 avril à 18h30, projection de Prêt à jeter. Donc ciné-débat autour de la thématique de l'obsolescence programmée. Question sur la surconsommation, sur la décroissance ou la croissance maîtrisée, réparation et environnement. Dès les années 20, un concept redoutable a été mis au point, l'obsolescence programmée. Un produit qui ne s'use pas est une tragédie pour les affaires, lisait-on en 1928 dans une revue spécialisée. Peu à peu, on contraint les ingénieurs à créer des produits qui s'usent plus vite pour accroître les demandes des consommateurs. Au Centre culturel libertaire, 4 rue Colmar à Lille, discussion sur les luttes en cours le mardi 24 avril à 19h, qui fait suite à la diffusion la semaine dernière d'un tract « Comme des poulets sans tête ?» point d'interrogation. Dans celui-ci, le sens de l'activisme actuel est questionné et appel à lancer pour comprendre les luttes en cours et réfléchir à la manière dont, en tant qu'anti-autoritaire, nous pouvons nous y impliquer. Cinquantenaire de mai 68, garder le sens profond de mai 68 pour le combat prolétarien. Donc c'est une réunion publique organisée par le Courant communiste international le 28 avril à 15h à la Mresse. Il y a 50 ans avait lieu la plus grande grève de l'histoire, comme vous savez, près de 9 millions de grévistes. Cet événement en France fut d'abord et avant tout l'expression spontanée d'un mouvement international, chose que la bourgeoisie a toujours cherché à occulter en limitant généralement un vaste mouvement hexagonal centré sur les étudiants révoltés, la libération sexuelle, la libération des femmes et la remise en cause de l'autoritarisme dans les relations familiales. Aujourd'hui, la classe dominante commémore cet épisode de l'histoire du mouvement ouvrier pour le dénaturer à nouveau et plus profondément même. Ceux qui refusent cette propagande doivent pouvoir discuter de ce qu'a vraiment représenté mai 68, doivent chercher à en tirer les leçons pour mener et poursuivre le combat révolutionnaire. C'est ce qui est proposé dans ces réunions publiques. Petite annonce, comme tous les ans, le 1er mai à Grand Place d'Arras, il y a le salon du livre d'expression populaire et de critique sociale. Ensuite, deux rendez-vous sur les migrants. Le premier, projection à l'univers de Regard d'ailleurs sur les exilés à Calais. Donc c'est le 28 avril à partir de 15h30. Arthur Levivier a rencontré les exilés de Calais pendant et après le démantèlement de la jungle. Durant plus d'un an, il a parlé avec des hommes, des femmes d'origine soudanienne, afghane, éthiopienne, érythréenne, mais aussi des habitants de Calais. Surtout, il a filmé ce que les médias mainstream ne montrent jamais, les violences policières, les injustices et la force des réfugiés, leur espoir et leur capacité à rire de la situation, quoi qu'il arrive. Donc, ça sera en présence du réalisateur et des intervenants militantes. Le deuxième, donc, mercredi 2 mai à 18h30, rencontre avec Migre Action. Migre Action est donc un réseau citoyen qui propose d'offrir le gîte et le couvert le temps du week-end aux migrants bloqués en transit à Calais. Chaque samedi, des chauffeurs et des hébergeurs accueillent des jeunes exilés qui vivent dans des conditions indécentes.